Chapitre 16. Portrait de Ram. L'habit rouge. Monsieur Dormer reprit, pour ne plus les perdre, sa froideur et son antipathie pour Geneviève. Il en voulait à Ram d'avoir apporté la lettre du père recteur, tout en comprenant l'injustice de ce sentiment. Ram aimait tendrement Geneviève, qui lui rendait son amitié, et Monsieur Dormer s'en prenait à Geneviève de l'aversion de Ram contre Georges. Bien des fois, Mademoiselle Primrose s'interposait, avec sa terrible franchise, entre Geneviève et son oncle qui la grondait sans cesse et ne lui accordait aucun plaisir, aucune distraction. Il ne voulut même plus qu'elle dînât à table les jours où il y avait du monde. Il lui défendit enfin de paraître au salon quand il y avait quelqu'un. Mademoiselle Primrose continuait l'éducation de Geneviève et tâchait de lui faire accepter, sans trop de chagrin, les fréquentes et injustes remontrances de son oncle, ainsi que la froideur qui lui témoignait de plus en plus. Mademoiselle Primrose acheva le portrait de Geneviève et entreprit celui de Ram peint à l'huile. Il était difficile de le faire poser convenablement, car il avait tellement envie de voir qu'à chaque instant il quittait sa place pour juger de la ressemblance. Le jour où elle couvrit de noir le visage et les mains, il se laissa aller à une joie si bruyante et si exaltée que Mademoiselle Primrose fut obligée de le gronder sérieusement. « Ram, si vous continuez à remuer et à rire aux éclats, je laisserai là ma peinture. Je ne finirai pas votre portrait, et vous resterez sans nez et avec les yeux pochés. Ce sera joli. » Ram. « Oh, bonne mamselle, moi peux pas. Moi rire pas par méchanceté, moi si content. Moi peux pas tenir la bouche fermée. Bien sûr, bonne mamselle, moi être bien sérieux. Moi voudrais tant voir comment mamselle fait yeux à Ram, et nez à Ram, et bouche à Ram. » Mademoiselle Primrose. « Mais comment puis-je faire vos yeux quand vous les roulez de tous les côtés, le nez quand vous tournez la tête à droite, à gauche, la bouche quand vous parlez, quand vous montrez les dents en riant ?» Ram. « ça fait rien, mamselle. Vous faire les dents à moi jolies, blanches. » Mademoiselle Primrose. « Vous n'y entendez rien. Taisez-vous, je ne vous demande que cela. Bien, ne bougez pas. Tenez-vous donc tranquille, je vous dis. Regardez-moi toujours, je fais les yeux. » Au bout de 5 minutes, Ram changea de position. Mademoiselle Primrose. « Eh bien, que faites-vous? Vous voilà tourné de l'autre côté. » Ram. « Ça fait rien, moi fatigué. Moi veux voir comment écrit petite maîtresse. » Mademoiselle Primrose. « Mais c'est impossible, remettez-vous comme vous étiez. » Ram. « Pourquoi impossible? Moi pas changer tête, yeux, figure, moi toujours Ram. » Mademoiselle Primrose. « Alors je ne ferai plus rien si vous ne voulez pas m'écouter. » Geneviève. « Ram, reste tranquille, je t'en prie. Tu peux bien rester tranquille pendant 1 heure. » Ram. « Moi rester tranquille 1 an pour petite maîtresse. » Geneviève riant. « Merci, Ram. Quand j'aurai fini mon devoir de calcul, je te le dirai. Tu pourras voir et bouger. J'en ai pour 1 heure. » L'heure se passa merveilleusement. Ram ne bougea presque pas. Sauf quelques petits sauts, quelques petits bâillements et mouvements nerveux, il posa très bien. « C'est fini, » dit enfin Geneviève. D'un bond, Ram fut auprès de Mademoiselle Primrose. Il battit les mains, il rit aux éclats, il fit des pirouettes dans son admiration. Ram. « Petite maîtresse, venir voir. Comme Ram jolie, comme Ram a beaux yeux, tout blanc, tout noir. » Geneviève. À présent, va te reposer, mon pauvre Ram. Va boire un verre de vin. Pendant ce temps, ma cousine me donnera un nouveau devoir à faire. Ram sortit en gambadant. Mademoiselle Primrose se leva. Je vais me reposer aussi un instant. Je me suis tant dépêchée que j'en ai le poignet fatigué. Tous les jours, les mêmes scènes recommençaient. Pourtant, lorsqu'au bout de 5 ou 6 jours, la tête fut terminée, se détachant sur un beau ciel bleu sans nuages, Ram fut enchanté. Mais sa joie ne fut pas de longue durée, il devint triste. « Pauvre Ram ! » s'écria-t-il. Mademoiselle Primrose. « Pourquoi pauvre Ram ? Qu'y a-t-il encore ? » Ram. « Pauvre Ram, pas d'habit, tête coupée, pas de corps. » Mademoiselle Primrose riant. « Mais imbécile, tu ne comprends donc pas que je ferai le corps après avoir fini la tête ? Tu n'as pas encore compris que je ne peux pas tout faire à la fois ? Aujourd'hui, je commencerai le cou et les épaules. Demain, je le finirai. » Geneviève. et tu auras un superbe habit. Comment le veux-tu ? Ram. Moi veux rouge et or, comme capitaine anglais. Mademoiselle Primrose. Mais tu auras l'air d'un danseur de corde, mon brave homme. Ram avec fierté. Ram pas danseur. Dans pays à Ram, grand chef mettre habit rouge et or. Habit superbe. Grand chef tuer capitaine anglais et prendre habit. Ram veut habit comme grand chef. Mademoiselle Primrose. Eh bien, tu l'auras, mon ami. Tu seras en grand chef comme celui de ton pays. Ram. Et moi, on voyait portrait à pays, et tous croire à mort grand chef à blanc. Geneviève. Et sais-tu ce que je ferai, Ram? Je demanderai à ma bonne de te faire un superbe habit rouge et or, et tu le mettras les jours de grande fête. Pour le coup, Ram ne put contenir sa joie. Il sauta, pirouetta, cria, chanta. Jamais on ne l'avait vu dans une joie pareille. Il courut chez Pélagie dans une si grande exaltation de bonheur qu'elle le crut fou et qu'elle ne se rassura que lorsque Mademoiselle Primrose et Geneviève lui eurent raconté ce qui s'était passé. Ram, de son côté, annonça à toute la maison qu'il allait être grand chef, tout rouge et or. Personne ne comprit ses explications, entremêlées de bons et de rires. Mais il fit un tel tapage, et tout le monde autour de lui riait si fort et l'interrogeait de façon si bruyante, que M. Dormer, qui se promenait dans les environs, vint voir ce qui se passait dans la cuisine. Quand on lui eut appris la cause de ce bruit, il se mit à rire lui-même de la figure que ferait le nègre en grand chef de sauvage, et il monta chez Mademoiselle Primrose pour avoir l'explication plus complète de la grande joie de Ram. La première chose qu'il vit en entrant, ce fut le portrait du nègre. « Monsieur Dormer. »« Qu'est-ce qui a fait cela ? » Mademoiselle Primrose. « C'est moi, mon cousin, pour ne pas perdre l'habitude du pinceau. » Monsieur Dormer. « Mais c'est très bien, c'est frappant, et c'est une fort belle peinture, très belle, je vous assure. Je ne connais pas d'amateur qui puisse si bien réussir. Je ne vous connaissais pas ce beau talent, ma cousine, je vous en fais mon sincère compliment. Comme c'est bien rendu et bien posé, rien n'y manque. » Mademoiselle Primrose. « Que l'habit, mon cousin. Figurez-vous que Ram a demandé, et que je lui ai promis, de l'habiller en rouge et or. » Monsieur Dormer. « C'est ce que j'ai appris en bas à la cuisine, où ils sont groupés autour de Ram qui saute et qui crie. À eux tous, il faut un tapage infernal. » Mademoiselle Primrose. « Je n'ai jamais vu un homme si heureux. Il a manqué de nous étouffer dans un élan de joie. » Monsieur Dormer. « Je trouve seulement que Geneviève aurait dû me consulter avant de promettre à son nègre un vêtement aussi coûteux. » Geneviève. « Je vous demande bien pardon, mon oncle, c'est vrai. J'aurais dû vous en demander la permission. Mais j'ai parlé sans réfléchir, et la grande joie de mon pauvre Ram m'a empêché de sentir que j'avais eu tort. » Monsieur Dormer. « C'est ainsi que vous faites sans cesse des sottises. Vous agissez et vous parlez toujours sans réflexion. » Geneviève timidement. « Excusez-moi, je vous en prie, mon oncle. J'espère que vous voudrez bien m'accorder la permission que j'aurais dû vous demander plus tôt. » Monsieur Dormer. « Il faut bien que je l'accorde, à présent que toute la maison est instruite de votre générosité. Au reste, je ne suis pas encore décidé. Je vous donnerai demain ma réponse définitive. » Monsieur Dormer sortit, laissant Geneviève consternée, Mademoiselle Primrose interdite. Mademoiselle Primrose. « Eh bien, voilà un fameux père rabat-joie. Est-il mauvais, cet homme-là? Il se plaît à te tourmenter, ma pauvre enfant. Je suis sûre qu'il ne te refusera pas. Il ne peut pas te refuser. Il sait que je ne lui laisserai ni paix ni relâche tant qu'il vivrait. Et que tout le monde saurait, dans le voisinage, qu'il a refusé à sa nièce, Mademoiselle Dormer, qui a 60 000 livres de rente en belle et bonne terre, une dépense de 300 francs au plus pour récompenser le dévouement, les soins affectueux d'un ancien et fidèle serviteur de ses parents, qui le lui avait recommandé en mourant. D'ailleurs, ma chère enfant, si ton oncle avait l'indignité de te refuser cette satisfaction, je paierais l'habit rouge de ma bourse. » Geneviève. « Oh, ma cousine, que vous êtes bonne, 1000 fois trop bonne pour moi. Aussi, je ne puis vous dire combien je vous suis reconnaissante des bontés que vous me témoignez. Jamais je n'oublierai tout ce que je vous dois. Quant à mon oncle, il a raison de trouver que j'aurais dû lui demander la permission de faire une si grosse dépense avant de la promettre. J'ai eu tort, et il veut me le faire sentir. » Mademoiselle Primrose. « Le reproche qu'il t'a adressé aurait suffi, ma chère petite. L'humble aveu que tu en as fait, avec tant de douceur, aurait dû le toucher. Et quant à moi, ne crains pas que cette dépense puisse me gêner. Sans avoir une fortune égale à la tienne, à la sienne, j'en ai assez pour que quelques centaines de francs ne puissent pas me gêner. Ainsi rassure-toi et n'y pense plus. » Mademoiselle Primrose embrassa Geneviève, qui lui rendit 10 baisers pour un. Elle reprit bientôt son calme et ses leçons.